sachant juste au bout de tes doigts un fils te séduire. Petite fille, hein, ton amour laisse des traces et sur ton corps tu imagines toutes mes audaces. Voyez dans la masse et si t'es tout pour chasse, tu veux casser la volte-face pour retrouver la surface, tu sais rester tenace. Petite fille, te reste ton rêve toute la nuit. Tu crois savoir que ton plaisir n'a pas de prix. Rêve toute la nuit, rêve toute la vie. Petite fille, la vie est une fleur sauvage, sans que tu caches te donnera le courage. Et si solitaire dans la chaleur de tes bras, tu cherches le passage qui te mènera vers ce pays sans nuages, même si c'est pas très sage. Juste au bout de ses doigts.